François Morel, bonjour, c'est à vous. Bonjour, comment conclure le grand débat? Parce qu'il faudra bien que ça s'arrête un jour. Ça a donné lieu à des grandes émissions originales à la télé l'après-midi. Certains ont même renoncé à visionner les rediffusions de Colombo ou du commissaire Maigret pour regarder ces grands raouts dans des régions dont habituellement on entend parler qu'au mois de juillet quand il y a le passage du Tour de France. Ça a permis de découvrir tout un tas de maires, de petites communes. Ça a donné un formidable coup de projecteur sur leur village et sur eux-mêmes. Jusque-là, quand on était l'édile d'un petit village, ancien professeur d'histoire ou de comptabilité, la seule façon de passer à la télé, c'était de s'inscrire au casting de questions pour un champion. Là, même plus besoin de se casser le crâne pour savoir si on choisit le questionnaire sur les grands fleuves d'Europe ou les Michel célèbres. Et puis non, finalement, je vais prendre le thème mystère parce que j'aurais préféré prendre les fromages de nos provinces. Mais hélas, Martine les avait déjà choisis. Enfin bon, là, il suffit de mettre un costume, une cravate, se rendre jusqu'au gymnase Olivier Stirne ou à la salle Gérard Lenormand, préparer un petit discours pour dire qu'il y a trop de contraintes et pas assez de médecins, trop de taxes et pas assez de bureaux de poste, que la maternité est trop loin, la centrale nucléaire trop proche, et à la fin avoir droit à la logorée du président, qu'on n'oublie surtout pas de remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, alors qu'il a sûrement autre chose à faire et qu'on a été drôlement content de l'écouter, vu qu'il est aussi loquace que Julien Lepers et aussi souriant que Samuel Etienne. Bon, mais il y a un moment donné, on aimerait bien que quelqu'un dise, comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, je sens que je vais conclure, parce que la discussion ne peut pas être éternelle, surtout qu'on aurait pu penser que les problèmes des Français étaient connus des gens qui avaient sollicité le pouvoir et que même c'était justement pour ça que certains avaient souhaité devenir président de la République il y a 2 ans. Visiblement, non. Il n'est jamais trop tard, vous me direz. Non, mais enfin, il n'est pas trop tôt non plus. À un moment donné, il faudra arrêter de discuter et se mettre au boulot. Je rappelle qu'il y a pas mal de chantiers à régler. Au hasard, j'en signale 2-3. L'éclairage public est défectueux à Saint-Rémy-les-Moutiers. La chaussée est très glissante au niveau du lieu-dit La Rigaudière sur la route entre Montilly et Caligny, essentiellement à cause du passage des bêtes de la ferme des Dubuisson. À Saint-Fauré-sur-Lison, les volets électriques de la mairie ont tendance à rester coincés au premier étage. Par ailleurs, la ligne 12 du métropolitain est améliorable. Pas mal de pain sur la planche, donc, à propos, à Saint-Cornier-des-Landes, on cherche un couple de boulangers pour remplacer les précédents. Vous me direz, il y a le Coxy Market. Oui, je vous dirais, c'est sûr, mais enfin, ça remplace pas complètement la boulangerie, surtout si on aime bien les chouquettes. Comment conclure le grand débat? Un feu d'artifice, une marche blanche, un grand pique-nique, ou alors une super méga réunion publique où on discuterait tous ensemble, un référendum. Oui. Bah, sinon, il y a toujours la solution de demander à Jean-Louis Borloo de faire la synthèse de tout ça, puis on rediscutera de tout ça, mais alors dans ce cas-là, plutôt à l'occasion. Merci François Morel. Et je signale aux auditeurs la publication, François, de votre BD « C'est aujourd'hui que je vous aime », illustré par Pascal Rabaté, publié aux éditions Les Arènes, BD que vous présenterez par ailleurs lors d'une soirée musicale et dessiné au Palais des Congrès du Mans vendredi prochain.